Dossier 6. Interagir dans des lieux publics. Situation 1. J'ai réservé une chambre d'hôtel. Bonjour, on a réservé une chambre. Oui, adressez-vous au réceptionniste à l'accueil, dans le hall sur votre gauche.